écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis-Saint Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les copains, bonsoir Adrien, bonsoir Freddy. Bonsoir Romain. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, ça alors. Ça pourrait aller mieux. Bah, ça pourrait aller mieux, it could be better. What happened? Well, you know what happened. We talked about it in the car. Is that the... That's what happened? That's well, what happened. What happened then? Please share with our listeners. Well, France got eliminated of the Euro Cup 2020, happening in 2011, in 2021. So that was pretty sad. But that gives us more time to practice for next year's... For the World Cup? Yeah. The one in Qatar, mm-hmm. in December, because it's too hot in the summer. Not even, yeah. No, it was just sad. I think the French team was good, but I mean, it was, you know, it ended up with penalty kicks, and in this case, it's always a gamble. And I mean, the defense throughout the game was not good enough, and. Three were sick. Three defense players. Yeah. But still, I mean, it's still sad. And so it was 3-3 at the end of the regular time, and they went to the extended time, and for half hour they did nothing, and then penalty kicks, and you know, that's what happened. Like 4-5, just one miss, and yeah, there you go. Yeah. So, but I don't blame Mbappe because that could have happened to anybody. I thought for a second you were not going to blame Switzerland. No. I don't blame them as well. I mean, if I could blame them, I would, but no. It's Mbappe that I don't blame. Bon, d'accord. Ouais. So, how many French speaking teams left? Switzerland. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, partly French speaking, but Romanche, Italian, German. But yes, French speaking. Belgium. They are in the same case. Half. They are in the same case. They have four official languages. German is actually also an official language in Belgium. I mean, the French and Dutch are the majority, but there's German and there's English, another one I can't remember Flemish. Which one. Well, Flemish, that's half of the Dutch. Country. That's Dutch. Mm-hmm. It's the same similar thing. To Dutch, yeah. Yeah, I'm going to look it up, but I believe in one of the trivia or something, I heard that it was four, so... Yeah, but that's it. That's it. That's all she wrote. Yeah. Czech, and I was surprised about the Czech because they beat Sweden, and typically that's Sweden good. Is pretty good. Mm-hmm. Otherwise Spain, Italy is there. England did a good game against Germany, 2-0 today. Oh, I didn't hear the score. Yeah, so Germany is out. Well, good. Well, no, I know. No, I'm not gonna cry either. No, plus they did we beat them? Yes. Yes, but they score against their own goal. Oh, yeah, that's right. So, yeah. we won. Technically, yeah. Saying that we beat them is maybe a stretch. Mm-hmm. All right. Yeah. The game was good. I mean, 3-3. There was two goals from Karim Benzema. Yeah. One from Pogba. That was really good. So tonight we're going to do not a special Swiss. Switzerland, yeah. No way. No way. Plus, outside of Stéphane Echer and Patrick Juvet, that's the only one I know. Marie Laforêt. Oh. Mm-hmm. I didn't even know. Yeah. But she lived in Paris for a long time. Yeah. And I don't even know if she's Swiss, but she lived in Switzerland. Yeah. She might have become. Yeah. You know, some people do that. Like Aznavour, Fabrice. Oh. Mm-hmm. The host, the TV personality. TV radio personality. Yeah. Fabrice. Yeah. Yeah. All right. So, no, tonight is going to be a special Canada, and not Quebec, because we did a special Quebec like recently, I mean, with some songs because of Saint-Jean-Baptiste. But on July 1st, it's going to be Canada Day. So the federal holiday for all the Canadians, regardless of what they speak. And so we're going to listen to that. And then we're going to make a transition. I mean, some songs about Canada are going to be sung by some French artist, but we're going to do a transition after that to the US because we're going to celebrate the 4th of July. And so the transition will be that we're going to have some songs about the US, or, you know, French speaking, but from people singers, from Quebec or Canadians. And singers. Not French? After that, there's going to be some French too, but that's going to be the transition like from... Like Lyricain? Well, yeah, but that's Sardou. Yeah, but Sardou is not from Quebec? No, but we're going to have like Linda Lemay. Yeah. We're going to have... who's that? Not Lynn Renault. She's not. Les Cowboys Fringants. Mm-hmm. Richard Seguin. Rock Voisine. Oh. Pierre Raspat. So those are Canadian singers. But what did you do by Rock Voisine? Is it the... City of New Orleans? No, because we played it not that long ago. Oh, yeah, that's right. And but that's about America. Yeah. Ooh, yeah. But, and the City of New Orleans is half in French from, half in English from Rock Voisine. Mm-hmm. This one is d'Amérique. Okay. So, yeah. But we're gonna start with Au Canada in bilingual, so in French and in English. Mm-hmm. And then we're going to listen to Voyage au Canada, Trip to Canada, with from Charles Trenet. Mm-hmm. And La Canne du Canada, and I haven't listened closely, so I'm assuming that La Canne is the geese, right? I mean, the geese, the duck. Yeah, wait, the duck's female, the or duck's female wife of Canada, yeah. By Maurice Chevalier. Ooh, yeah. So eh ben, c'est parti, mon kiki. Allez, on y va, Pogba. Charmante, trois enfants, maman, papa, partit en beau jour de Nantes pour visiter le Canada. Fixant leur itinéraire, après maintes réflexions, ils choisirent pas ordinaire ces moyens de locomotion. C'est ainsi qu'avant de partir, ils chantaient pour se divertir. Nous irons à Toronto en auto. Nous irons à Montréal à cheval. Nous traverserons Québec à pied sec. Nous irons à Ottawa en wawa. Nous irons à Valleyfield sur un fil. Nous irons à Trois-Rivières en litière. Passant par Chicoutimi endormi. Nous irons au lac Saint-Jean en nageant. Voilà, voilà, un beau voyage, un beau voyage.

savait danser la samba. Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, avec les canards du coin. Et voilà, oui, oui, oui. De retour après la canne du Canada. Yes, de Maurice Chevalier. And before that, he was Voyage au Canada with Charles Trenet. And then, before that, he was Sultans of String with Au Canada. Mm-hmm. Sultans of String, who are from Toronto, and that I got to see at the Cedar. Oh, yes. Yeah, it was very impromptu, you know? One of my friends said, like, hey, you should come and see these guys. And I went. They speak French. Well, it was Samia. Because Samia speaks French, too. Yeah. But, it was pretty nice. Well, I have a little trivia since you mentioned Au Canada. Okay. Did you know that Canada's national anthem, Au Canada, was first sung on Saint-Jean-Baptiste Day in 1880? Wow. Voilà. Bah, dis donc. Now you know. But not anymore. I guess maybe that was why it became the national anthem. Because it was recognized enough by some people. Mm-hmm. Yeah, and at the time they had like it those... has Canada in its title, so that helps. Yes, it does. Really. Yeah. They have those banquets, and so at the time in Quebec, and anyways, I thought it was pretty cool because it's attached to the history of Quebec as well. Yeah. Because if it was called like Au Mulhouse, that would not do as well as a national anthem. No, not as well. Or La Marseillaise. Another example. There's no name like about France or nothing. Exactly, yeah. Well. Go figure. Now we're going to listen to Lynn Renault. With the Cabane au Canada. Yeah, the classic. Mm-hmm. The classic one. Then Gaël Faure with Traverser l'hiver canadien. Ooh. And Dominique A. with a song called Par le Canada. So Traverser l'hiver canadien is crossing the Canadian winter. We know that here. And Par le Canada is through Canada. Through Canada. All right. Super. Eh ben, c'est parti. On y va. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige. Elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs? Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis née. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. Seul un vieil indien entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages. Je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, tant que tu y resteras, ce sera le mon chéri. À quoi bon chercher ailleurs? Je sais bien que le bonheur, il est là. Canada. En amour se projette sans promettre et sans mettre plein les mirettes. Pour moi, le bout du monde s'appelle après-demain. Tout petit horizon, pour d'obscures raisons, je ne vois pas plus loin. Moi, qu'un regard ennuie s'il s'étire en longueur. Je me ferme devant ceux qui m'ouvrent leur cœur. Non pas que ça m'amuse, non ça ne m'amuse pas. Je crois à la passion, mais sans explication, je reviens sur mes pas. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi. Je n'ai rien vu passer du froid. Oh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ça me désespère. Fier et perdu à la fois. Quand les autres en amour s'imaginent inventeurs précurseurs de la discipline. Je suis accrédité à la médiocrité. Autant passer mon tour, j'avais et j'ai toujours d'autres priorités. Mais qu'on me tienne la main et je suis prisonnier. Qu'on me parle tout bas et je regarde en l'air. Moi je me fous comme il faut du langage amoureux. Car j'en refuse les clauses comme d'avoir sur les choses un seul avis pour deux. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi. Je n'ai rien vu passer du froid. Oh ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ça me désespère. Et perdu à la fois. Les autres en amour se tourmentent, parlementent, argumentent et se mentent. Moi je bats mes records sur un calendrier, puisque je vagabonde avec mon bout du monde vient après février. Alors je suis fier, si fier, si fier qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer du froid. Oh ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me désespère. Fier et perdu à la fois. De la rivière, une vie s'est perdue et je ne sais toujours pas d'où lui venait ce goût qui ne faiblissait pas pour le Canada. D'où lui venait ce goût qui ne s'expliquait pas, et rien que des photos que ses yeux ont usées. Lui qui ne bougeait pas et préférait rêver du Canada. Il y a des rêves qui ne meurent pas, qu'on vous repasse et qui vous restent sur les bras, qui vous dépassent. Il y a des rêves qu'on ne refuse pas. Des bords du Saint-Laurent à Downtown Ottawa, depuis bientôt un mois je ne fais que marcher, et mes yeux sont ses yeux et mes pas sont ses pas. Oh Canada, une barque a glissé au fil de la rivière, une barque a glissé et ne reviendra pas. Je veux croire qu'avec moi cette barque est passée par le Canada. Il y a des rêves qui ne meurent pas, qu'on vous repasse et qui vous restent sur les bras, qui vous dépassent. Il y a des rêves qu'on ne refuse pas. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Et voilà! We are back! Exactly. So what did we listen to? But the first song of the set was from Lynn Renault, who's still alive. She's like 93, I think. I don't know. I remember when I was a kid, like 30 years ago, Coluche already was making fun of her, saying that, you know, at her age. And she's still super funny, and she's still, you know, you see her sure. often on TV and and she's still running, what's it called? I'm wondering if it's not Solancy or it's a thing against AIDS. Okay. Like, and every year there's a big TV like fundraiser. I think it's Solancy. And for the first time this year, she was told by other singers and to just, and that was a surprise for her, to just sit in the audience, and that everything was done for her, and there was a tribute to her work. She's been working on that. She's good friends with Elton John, and because they both, you know, raise money for research for AIDS and so she's still super active, and you know, I saw her recently. Like I was watching Call My Agent. And she was in one of second or third episode. Yeah, and or she's like that. That's the episode where with who's that? Who is she? Nicole Calfon, I think. Yeah. That they're they've been rivals for years and years. Yeah. I didn't pass like it was number three so far. I don't know. Season one, and I watched like two to three episodes, it's and a I was slow like, start. And then is it? Yeah. Well, personally, I loved it right away because it's all about everything I love. Yeah. The Saint-Honoré neighborhood in Paris, where I used to live. Cinema. I mean, that's and I've always liked Dominique Besnéard, whose story basically it is. And I'm reading actually right now a book that he just. That was just released like, I don't know, like 2 months ago, called Art Media, which is the actual name of the agency. Oh, okay. It's not, you know, AESCA, but Art Media. And that's the story of that agency. And that's really good. I mean, if you love cinema like I do, that's... Well, I like cinema, but I don't know. I mean, it's maybe it's a slow start. But and I think you should persevere and watch the next episodes. We'll see. I mean, I still haven't watched the fourth season of Handmaid's Tales. Mm-hmm. And I really want to watch that. And I started, and I haven't finished yet, of course, but I started The Prisoner. Mm-hmm. The British series, and there's 17 episodes, and I'm number 4 or 5 or something like that. So I want to finish The Prisoner for sure. Plus, this weekend, I've watched like a couple of long movies on Netflix at the end of, on the 30th. Fiddler on the Roof was leaving, and I was curious about it, but it was 3 hours. Mm-hmm. And Cool Hand Luke. Luc La Main Froide. Yeah, was at least like 2 hours and a half, and I try to find movies that I can sneak in like an hour and a half or things like that. But so at least I watch these long ones. Mm-hmm. Mm-hmm. I gotta say, I'm trying to go back like Cool Hand Luke, and I think I'm at some point when I'm gonna catch up. I'm trying to go back to like more classic ones I haven't seen, like The Sting. Oh yeah, or, you know, like some Redford or Newman and things like that I missed. And but yeah, otherwise I'm pretty busy, and I mean I'm no longer busy with the Euro 2020 anymore because I don't really care. Well, that's good. I mean, from that perspective, more free time. You don't have time to make bread or stuff like that. Fred's bread. That sounds pretty good. We got to find something different, like a cocktail. That end with like Freddy or something like that. Chili Freddy. Yeah. Fred's bread is not. No. No. It's a good thing, but. So, more music about Canada. Mm-hmm. We're going to listen to three songs. And actually, one is from a Canadian, but about the French. So, the first one is Julien Gasque. And it's going to be. Did I announce the other song besides Lynn Renault? Maybe not. Maybe not, because I think we went sideways. Who, by the way, was born in 1928, so she's 93. After Lynn Renault, it was Gaël Faure with Traverser l'hiver canadien, which is a love song, and he said, like, yeah, I didn't even saw the winter go by because I was with you, which is nice. Last winter was pretty long for me. And Par le Canada, Through the Canada, from Dominique A. Now we're going to listen to a new artist called Julien Gasque with a song called Canada. Then we're going to listen to an old artist who's Charles Aznavour. And it's an old song too. It's En revenant de Québec. Oh. And you're going to hear that to the orchestration and things. It's like, really, I mean, it's not Maurice Chevalier, but not far. I mean, Aznavour started in 46. Right. So. I mean, it totally sounds like early 50s. There was probably at the time that he was doing a lot with Pierre Roche. Yeah, that sounds like, I don't know if Pierre Roche is in this one, but that sounds like it could be. And then Linda Lemay with Les Maudits Français. And it's a very funny song about... Yeah, so in, is it the live version? I believe so, yeah. Because there's a version, that there's if that's the live version, that's hilarious because she actually sings that at the Olympia. Oh, does she? Yeah, in front of, you know, an audience of French. Of French people, and, yeah. Yeah, but it's really funny, yeah, about, you know, some of our habits and their habits and things like that, so... Okay. Eh ben, c'est parti, mon kiki. Allez. All right, on y va. Marchait sans trop s'en faire en revenant de Québec. Quand il vit souriante une jolie passante en revenant de Québec. Elle marchait légère, il se dit j'aimerais faire un bon chemin avec. Mademoiselle en campagne, devenez ma compagne, souffrez que je vous accompagne en revenant de Québec. Elle elle avait 18 ans, un corps charmant, les yeux trop blancs, une jolie frimousse. Et lui avait du style, un bon profil, avec ça il avait une voix très douce. Pour mieux faire connaissance, il ralentit le pas, elle marchait à distance, il la prit par le bras. Un couple solitaire marchait sans trop s'en faire en revenant de Québec. Elle était souriante comme elle était charmante en revenant de Québec. Pris d'une ardeur bizarre, soudain sans crier gare, il lui vola un bec. Elle restait indécise, profitant de sa surprise, il lui offrit d'autres bises en revenant de Québec. L'amour avec audace, dans leur cœur prit sa place en revenant de Québec. Comme il était sincère, bien vite ils se marièrent en revenant de Québec. Bientôt dans la famille, il y eut une petite fille garçon avec. Et jugé de leur aubaine, au bout de 5 ans à peine, ils en eurent une douzaine en revenant de Québec. Parle avec des mots précis, puis prononcent toutes leurs syllabes. À tout bout de champ, ils se donnent des billes, ils passent leur grande journée à table. Ils ont des menus qu'on comprend pas, ils boivent du vin comme si c'était de l'eau. Ils mangent du pain puis du foie gras en trouvant le moyen de pas être gros. Ils font des manifs au quart d'heure, à tous les mots t'as dit coin de rue. Tous les taxis ont des chauffeurs qui roulent en fou, qui collent au cul. Et quand ils parlent de venir chez nous, c'est pour l'hiver ou les Indiens, les longues promenades en skidou ou encore en traîneau à chien. Ils ont des tasses minuscules et des immenses cendriers. Ils font du vrai café d'adulte, ils avalent ça en 2 gorgées. On trouve leur gros berger allemand et leur petit caniche chéri sur les planchers des restaurants, des épiceries, des pharmacies. Ils disent qu'ils dînent quand ils soupent, et il est 2 heures quand ils déjeunent. Au petit matin, ça sent le yaourt, ils connaissent pas les œufs bacon. En fin de soirée, c'est plus choucroute, magrette, canard ou escargot. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'on goûte à leur putain de tête de veau. Un bout de paupière, un bout de gencive, un bout d'oreille, un bout de museau. Pour des papilles gustatives de Québécois, c'est un peu trop. Puis ils nous prennent pour un martien quand on commande un verre de lait, ou quand on demande la salle de bain, t'as quelle place s'il vous plaît. Et quand ils arrivent chez nous, ils se prennent une tuque et un canuc, se mettent à chercher des igloos, finissent dans une cabane à sucre. Ils tombent en amour sur le coup avec nos forêts et nos lacs, et ils se mettent à parler comme nous, apprennent à dire à tabarnak. Et bien saoulés au caribou, à la Molson et au gros gin, ils s'extasient sur nos ragoûts de pâtes de cochon et nos plats de bine. Vu qu'on n'a pas de fromage qui pue, ils s'accommodent d'un vieux cheddar, ils se plaignent pas trop non plus de notre petit café bâtard. Quand leur séjour tire à sa fin, ils ont compris qu'ils ont plus le droit de nous appeler les Canadiens, alors que l'on est Québécois. Ils disent au revoir les yeux tout trempés, le sirop d'érable plein les bagages. On réalise qu'on leur ressemble, on leur souhaite bon voyage. On est rendu qu'on donne des becs comme si on l'avait toujours fait. Il y a comme un trou dans le Québec quand part les maudits français. Et voilà. Et voilà, nous sommes revenus. And we were actually laughing. So yes, a little bit. About pianos. morceau. Yeah. Voilà la conversation. And the size baguette, of it. Baguette, la alors, discothèque. Alors, alors, let's stop talking about it. Alors, what did we listen to? Julien Gasque with Canada, then Charles Aznavour with En revenant de Québec, and Linda Lemay with Les maudits français. And we listen all of that on Bonjour Minnesota on KFAI Radio, so 90.3 FM or KFAI.org, and all the shows are archived, recorded and archived. So if you miss us because you can't, I don't understand why you wouldn't make time for us, but I guess people have lives. Yeah, you can always catch up. We have the show since 2018 on the KFAI.org webpage. Mm-hmm. And 2012 on the archive.org website, where it's free to store free radio shows and live shows. Mm-hmm. And you can also listen to French Influences Radio Show Therapy. There's one on KFAI 2 every Tuesday starting at 12. Otherwise, it's on Mixcloud. And if you follow the page on Facebook, typically every other week, there's a new one. So pretty cool. It's still an hour format. No, I'm doing a little bit more now. I'm trying like an hour and a half to 2 hours because I'm doing every other week. Yeah. Really, like the time I had to spend in doing it, it's more time consuming to do an hour each week than to do an hour and a half to 2 hours. Like I had maybe like, I don't know, maybe a half hour at the most to how to make the show, but I have another week to do it, so yeah, it's a better format. Cool. And then now we're gonna listen to more song, but we're gonna switch gear, and the song you heard a tiny bit of the beginning that we're gonna listen to is La Bannière Étoilée. And La Bannière Étoilée, it's the Star-Spangled Banner. Yeah, and it's from Les Amis de la Louisiane, so it's gonna be in French. And after that, we're going to listen to Lisa Leblanc, who's Canadian, and with a song called Je suis pas un cowboy. Bah, moi non plus. No. Well, I have the boots. I look like one, but I'm not. No, you don't, cowboy. But no. That's okay. And but I have the boots. I have the boots. I have a hat too, but it's a little bit small. Well, and we should talk about our French cowboys in Camargue, in the southwest of France. Yes, we can talk about it. Camargue is also in the southeast. okay. I don't know. It's in the south. I mean, it's south of Orléans, so... It's west of where I'm from. Okay, so anything that's west of where I'm from in the south west. Let him reorient himself. You know, it's like when you go to Avignon, when you live in the south of France, you go to Avignon, like, up north! Yeah. 2 hours north! You have a cabin up north? Oh, where? Oh, in Avignon. Yeah. All right, so after that, it's going to be talking about cowboys. It's going to be Les Cowboys Fringants. And the name of the song is L'Amérique pleure. America's crying. So, yeah, let's go with that. So that's the beginning of the American series. Yay! They're all after that going to be about the U.S. or towns or things like that. Independence Day. Yes. 4th of July. Yes, it's coming up. Eh oui. Eh bien, c'est parti. Oh, dites-toi-vous dans la lumière du jour, le drapeau qu'on salue à la tombée de la nuit, dans les trois couleurs vives pendant la deux batailles, au-dessus des remparts, espérés. De l'âme

You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Welcome, and it is 9:02. Oui, bienvenue si vous nous rejoignez à cette heure-ci. Voilà. Mm-hmm. Yeah. You're still listening. Yeah, Bonjour Minnesota with Romain and Adrien and Freddy. And Freddy. All right, so we just listened to the last song was Les Cowboys Fringants with L'Amérique Pleure. Then it was Lisa Leblanc avec Je suis pas un cowboy. I like that song. Yeah. So good, yeah. Lisa Leblanc, she's really cool. I think I played her, I think she was the one last week that. That was singing Ma vie c'est de la marde. Ah oui. And before that, he was Les Amis de la Louisiane with La Bannière étoilée, or Star Spangled Banner. Now, fun. We're going to talk a little bit about the events. Yes. There's not many of them because I didn't take the time to gather many. But there's Ciné Salon with the French Institut Alliance Française, and they're playing Shoot the Piano Player. Tiré sur le pianiste. De Truffaut. Yep. Yeah, sure. Mm-hmm. I trust you on that. And basically, it's playing online on Eventive, starting Tuesday, June 29th until Monday, July 5th, or in person at the French Institut Alliance Française. It's in New York, and it's going to be on June 29th at 7 p.m., which is a little bit of a miss if you want to go in person. But yeah, François Truffaut in 1960s. Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger, ouais. Michel Mercier. Ouais. With subtitles. Angélique. Yeah. Angélique Marquise des Anges. Exactly. Mm-hmm. So Eventive is cool. They've been playing a lot of French movies online. So another event is The Architecture of the Night of the 30s in Boulogne-Billancourt. And it's led by L'Échappée Belle. It's on July 8th at 2 p.m. Central. No, 12 Central, sorry. And it's to discover Billancourt and L'Échappée Belle and the architecture of the time. So it's a little bit outside of Paris. It's 60 minutes and there's going to be a Q&A. And it's also organized by the French Institut Alliance Française. So for these two events, you can go to fiaf.org and look for the events. And one of the big events that's coming up is Bastille Day. Mm-hmm. It's going to be in the celebration for the Twin Cities. Minneapolis-Saint-Paul will be on Wednesday, July 14th, and it's going to be from 5 to 8 p.m. And it's going to be at the Alliance Française. Mm-hmm. So, you know, just show up. There's going to be music, there's going to be food, there's going to be some shops and some association. There's going to be the Citroën Club. So that's, I mean, it's always a good time. Mm-hmm. And I mean, it's a little bit more limited than the previous years because of COVID and all the thing and organizing. Because but even last year, that was pretty cool. Yeah, it was indeed. Mm-hmm. So, yeah, this year, like 5 to 8 on Wednesday, the 14th. And my ex is going to keep Julien, so I'm going to be able to help. And nice. We'll see. I talked to Christina briefly and it's very likely that we're going to have like a table and nice. I need to talk to Salif to see if we can have maybe we'll share a table or something like that, bring some music because it seems like we're going to be a little bit closer to the Citroën. Mm-hmm. She said like she has room close to the Citroën and therefore we might not be like right next to the stage. So if they're not playing music, we can just play your own. Play ours, own. Yeah. Yep. Bring like a small Bluetooth things. Transistor. Yeah, a transistor. Yeah. A radio. Try the AM frequencies for Canada. Yep. Are you going to work on your beatbox? Yeah. Your French beatbox. I can, but no, beatbox is beatbox. It's not French or anything. Well, it's Bonjour Minnesota, so you're going to have true. To. I'm going to have to. Talking about French and rap, I got the soundtrack from The Boys, the TV series on Amazon Prime. And there's quite a few rap songs from Yeah, there's section d'assaut and some others, la cascade de travers, you know. Yeah, it's pretty cool. I like the series too. So we're going to listen to Richard Seguin right now with Journée d'Amérique, then Rock Voisine with D'Amérique, and Pierre Raspat with New York Civilization. And that's going to be the last set of the Canadian singers, or Québécois. Yes. After that, we'll listen to some French ones. Ok, eh ben, c'est parti. On y va. Ensemble on a rêvé les mêmes saisons, et je connais tes pleurs. Je connais rien à l'amour, et tu me dis s'abandonner. On peut rire et pleurer, on perd au fond du cœur. Enfin, on peut rester fragile, s'approcher l'un de l'autre, même les mains vides. Plus fort qu'avant. Toi et moi, nos corps qui s'enflamment. Oh, toi et moi, et je. Amérique. chemin qui blesse, au milieu des champs et du blé qui se verse. Si c'est le rond, il voit le Rio Grande, toute pleine bagaine, ses touches, ses tirées. Du toc, du vent, New York, toi le progrès, tu bluffes. Pour y gonfler comme un crapaud, New York, mort et lourd comme un bœuf. Tu rampes et ronges en vain, tu n'es pas que ça, mais une ville araignée. Un corps malade qui tousse et jeûne, New York, par tes ruses étouffées. New York, tes tours me font pleurer. Tu t'inculpes dans ces néons, New York, tu peux te rhabiller. Les yeux fermés sur les damnés du Bowery, sous l'autodit de Harlem. Tu grattes le ciel, mais il pleut des fourmis au pied des grands hôtels. Celle des anges, qui n'en est rien resté que les os. die. New York. Treat New York comme un empris sature. Des flics, des gangs et des belles. New York est donc sa leur dure. Tu n'es pas un big boss, tu n'es pas que ça. Quand un dollar vaut un crime, pour jouer les héros caca. New York ne manque pas d'héroïne. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Et voilà, nous sommes de retour. So, what songs did we listen to? Well, on Bonjour Minnesota, which is the program you're listening on KFAI, we just listened to Richard Seguin with Journée d'Amérique. Mm-hmm. And that was very nice. I really liked it. Enfin, je veux pas être chèvre, mais bon. Non. Surtout pas avec Monsieur Seguin. I was considering making a joke about the chèvre. I had to. Yeah. And La chèvre de Monsieur Seguin was a story, yeah. A horrible story, by the way. Okay. She dies. Spoiler. Oh, spoiler. And, From Les Lettres de Mon Moulin de Alphonse Daudet. What? La chèvre de Monsieur Seguin. Oh, c'est part de Lettres de Montmoulin. Mm-hmm. Oh, il y en a. Les Lettres de Montmoulin, is not by Montmoulin. Like, yeah, yeah. Les yeah. Inconnus were saying, you remember? Lettres de Montmoulin. Bing! Montmoulin! So that's yeah, it's Alphonse Daudet. That's a happy ending, yeah, French style. Yeah. Goat dies. And you have to read it in middle school when you're like 12. Yeah, and traumatized. I think I was younger. I think I was probably 8 or 9 when I saw that. When I read your that. Teachers were... Yeah, after that it was Rock Voisine with D'Amérique. Canadien. And, yeah. Rock Voisine is from Canada. Oh, but the three of them are from Canada. Yes. And Pierre Raspat right. with New York Civilization. And I also, well, I'll talk about it later. I wanted to talk about the sister cities who are still looking from... Sister City. Yeah, Tour? They're still looking for board members. Oh, yes, yes. We got so it. I'll be more specific after the set, this set coming up. So we're going to listen to Michel Sardou with Les Ricains, which is short for Les Américains, or the Americans. Yeah, but I think when you say Les Ricains, it would be like saying the Yankees. Yeah, it's a little bit... A little bit too casual. Casual, but I'm wondering if there was not like a kind of a negative... connotation? Yeah, possibly. I mean, if you say Les Ricains sont des cons, yeah. Yeah. So, I don't know. I don't know for sure how it was used. I think if I were to say that would be, and I don't, that mm-hmm. would be in a, you know, in a sentence, like, oh, Les Ricains, ils ont toujours plein d'argent. Yeah. I don't know. I don't know. That's how I... Perceive you know, it. Yeah. All right. And then Joe Dassin with L'Amérique. Joe Dassin, who... Was American. Mm-hmm. Well, French. Half. Yeah. Half American. Yeah. And then we're going to listen to one song. I mean, two songs, but we'll listen to the other one after we're back from Johnny Hallyday. Mm-hmm. And L'Amérique de William is the song we're going to listen to. It's from, I think, one of his latest albums. Yes. Album, yeah. Mm-hmm. So, all right. Bah, super. Eh bien, on y va. Pogba.

la musique de William. Ce sont les plaques de Texaco renversées dans l'œil des cyclones. Ce sont les motels solitaires qui attendent qu'une chambre se libère. Sur les photos d'Eggleston, il y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, il y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Ce sont des bars au crépuscule, des villes fantômes sous la lune. Ce sont des fleurs qui ont poussé de sous la bannière étoilée. Oui, l'Amérique de William, ce sont les grands espaces intimes, plus d'une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir qui fument encore sur les trottoirs. Sur les photos d'Eggleston, il y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, il y a des filles qui protègent leurs mômes du désir et des hématomes. Sur les photos d'Eggleston, il y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, il y a des filles qui protègent leurs mômes du désir et des hématomes. Well, hello there. How's it going? This is a reminder to support KFAI. Go to kfai.org and click the donate button. Et voilà. So we're back. And again. We just yes. listened to Johnny Hallyday with L'Amérique de William. Oui. After that, before that, it was Joe Dassin with L'Amérique. And Michel Sardou with Les Ricains. Wow. And I have a message from the Tour Minneapolis Sister Cities group from Sarah. And so Sarah says, the French city of Tours in central France has been our friend and sister city for 30 years. To support the relationship, the non-profit organization Minneapolis and Tours Sister Cities host visitors, connect people and organization, and encourage cultural and education exchanges. We are currently looking for new volunteer board members. So if you're interested in connecting with our French sister city, we want to hear from you. One specific opportunity is for marketing and social media support. To learn about the organization, please look over the website at http://mplstour, and it's mplstours.org. Or contact them at mplstoursc@gmail.com. Voilà. Très bien. Yeah, so if you're interested in being a board member, not any board member. Maybe some traveling to the city of Tours in France, which is a pretty cool city, I've heard. Have you been there? Yes. No. Well, I was 90 minutes away. Yeah. Orléans is pretty close. So, yeah, it's pretty close. No, that's a beautiful city. And even from a university standpoint, like if you live in Orléans and you want to become a physician, there is no medical school in Orléans. You go to Tours. University of Tours. Yeah. Mm-hmm. So nice. Very cool. Yeah. Yeah, j'ai fait le tour, mais je suis pas allé à Tours. Pas de tour. All right. Johnny Hallyday, we're going to listen to another song of him. With Back in L.A. So the song is, the title is in English, but The song is in French because Johnny doesn't speak English. And after that, it's going to be Eddie Mitchell with Sur la route 66. Sur la route 66. Mm-hmm. And then it's going to be MC Solar with Nouveau Western. Yes. Ah oui. And it's a live version. That's pretty good. C'est parti. I like him. And I like MC Solar anyway. MC Solar. J'ai pas sommeil. Mais qu'est-ce qui t'a pris comme ça tout d'un coup de vouloir autre chose que nous? Mais qu'est-ce qui t'a pris de vouloir t'en aller? Ne devais quand même pas me mettre à pleurer. J'ai pas un sommeil. Mais qu'est-ce qui m'a pris comme ça? Je suis fou de ne pas m'être mis à genoux. Qu'est-ce qui m'a pris de ne pas m'excuser? J'ai tant de choses à me faire pardonner. Galère, mais cette fois ça sera sans moi. Sur la route 66, personne ne t'attend là-bas. Plus de musique, bar désertique. Avec des fantômes que tu ne vois pas. Coupe légendaire, croisée des mystères. Mais maintenant sans rien, dans l'oubli. D'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt et Ringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, des rencontres des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vue suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sort autour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la Luke et Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam Menu. Hollywood nous perd. La vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Carogori, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute les bocs et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chic, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien. Scape la mousse, bois, repose le verre sur le zinc. Une deux chevaux se passe sous les types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les stèles sont une sorte de multinationale qui exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Kiluk et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à peu se remplace Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fred, pour que Fred le freine. Victime des directives, c'est ce qu'on l'appelle le nouveau Speed, Bill the Kid. Le nouveau, toi-même tu sais. Le nouveau, c'est le nouveau western. Le nouveau Speed, Bill the Kid. Maximum de bruit pour DJ Jay. Parfois la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, sa brevet de brandy. Désormais on brandit téléchité baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours un contre-jeu, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le diable, ce que l'on appelle le nouveau. Toi-même, tu sais. Le nouveau Speed, Billy the Kid. Le nouveau, c'est le nouveau western. Le nouveau, yeah, c'est comme ça que ça se. Le nouveau western, le nouveau western, c'est Big Boom, Cochise, Calamity Jane, James West. Le nouveau western, le nouveau western, let's go, let's call, Tomahawk, Iroquois. Sitting Bull, ha. Le nouveau western moderne. Le nouveau western moderne. Et voilà, nous sommes de retour. We just listened to the last song was MC Solar with Le Nouveau Western. Before that, it was Eddie Mitchell with Sur la Route 66, 66. And before that, it was Johnny Hallyday with Back in LA from his album Mon Pays C'est l'Amour. And now we're going to listen to another set, which I think we'll be able to complete. We're going to listen to Les Rêves Américains from Marc Lavoine. Ah, oui. And Alex Beaupin with the Brooklyn Bridge. And Zap Mama with Harlem. Voilà, and we want to wish a happy 4th of July to everybody this weekend. Happy Canada Day, too. Yes. And happy whatever you want, too. True. If you have something to celebrate, you know, if you're not French or German and it's and you want to celebrate the Euro 2020, you can, too. If you're Swiss. Yeah. Yeah, for example. Yes. Yeah, it doesn't happen very often. En piste. Jusqu'à très tard sur Hollywood Boulevard. Carmen Ghia. Je filme la vie devant moi. Je fais des rêves américains. Devant toi. Devant moi. Je fais des rêves américains. Sur Hollywood. Dans un hôtel, un écrivain. Sur les murs de la longue ville, les traces de Buffalo Bill. Je fais des rêves américains, je me sens seul, je me sens bien. Et dans la nuit américaine, Marilyn coule dans mes veines. Et je fais des rêves américains. Hollywood, le boulevard. Je fais des rêves américains, petit homme, au petit matin. Dans le désert, sur les collines, l'effervescence, au bout du spleen. Je fais des rêves américains, je suis parti, je t'y rejoins. Le Pacifique, Malibu. Je garderai le coup. Je fais des rêves américains. Devant toi. Devant moi. Des rêves américains. Sur Hollywood. Le boulevard. Je fais des rêves américains. Adam Street, moi toi Robert, toi Liza. Qu'importe. New York, New York, si ta voix porte. Sur le pont de Brooklyn, ma petite amoureuse, défiait les buildings comme une enfant teigneuse. Je te jure sur nos Amériques, si je retourne là-bas, si je retraverse l'Atlantique, je t'emmène avec moi. Qu'importe, mon amour, que tu sois morte. Loin du pont de Brooklyn, loin de l'Hudson River, de l'Empire State Building, de la Chrysler Tower, loin du café Florent, de New York au printemps. Les filles, ça va vite. Allez vous promener, faire un tout petit bidou du côté d'Harlem. Ah ouais! On va se promener, faire un tout petit tout du côté d'Harlem. On va se promener, faire un tout petit bidou du côté d'Harlem. Du soir, on est à Malcolm X Boulevard. On va se promener. Black Hole Music, Apollo Theatre, Gospel, New Talent Show. Tout ça, c'est programmé. On va se promener. On va se promener. Tout côté d'Arlène. Si on va se promener. Tout côté d'Arlène. Les beaux gosses et bad boys, trafic de tout genre, de tout côté. Ressentir pas fait trop top, on se dit stop. Tiens, si on allait manger, on va se promener. Des plats plus loin, tout côté l'atmosphère a changé. En Afrique, on s'est retrouvé. Le menu disait chicken, yassa, banane, plantain, djiboutienne, parfumé, j'adore ça. Yassa, mappé, spicy, chicken, mango, bizarre. Dans le Turking Malcolm X, Harlem a bien changé. À part la forte européenne, on s'est senti intégré. Complètement. Et on se dit que. Et voilà. Yes. Eh bien, well, maybe we should back announce. Yes, we'll back announce and then we'll say goodbye and then we'll wait for Nikolai. We just So we listened to three songs. The first one was Marc Lavoine with Les Rêves Américains, then Alex Baupin with Brooklyn Bridge, and Zap Mama with Harlem. Oh, Harlem. Voilà. En anglais. Oui, c'est yeah. fini. We're gonna play some songs until Nikolai arrive, but otherwise, you have a good week. Yeah. We'll be back. Happy 4th of July. Yes. And happy Canada Day. And bonjour and happy everything else. Yes. And we'll be here next Tuesday from 8 to 10. And of course, we can be here all the time thanks to the archives and the recording of the show on KFAI.org. And for the news, feel free to follow us on Facebook, Instagram, or Twitter. And so, like in waiting for Balkan Jamboree, we're going to listen to Annie Cordy. Très bien. With La Belle de l'Oyo. Ah, oui. So La Belle de l'Oyo means the... beautiful... From the... Girl from Ohio. Yeah, from Ohio. And she says Oyo. Yeah. And she has her geography a little bit messed up, too, mm-hmm. because she talks about cowboy and she talks about dessert and, and cactus. Cactus. Oh, yeah. And things like that. There are a lot of cactuses in Ohio. Yeah, in by Columbus, especially. But, yeah. And if we have time, after that, it might be Sheila with Emmenez-moi. All right. Et bien, c'est parti et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Grand-mère avait du sang, indien dans les artères. Grand-père avait du temps à perdre à ne rien faire. Ma mère avait un corps plus ferme que l'acier. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais moi, je suis née sous un cactus aux environs de Columbus. Qui c'est qui porte un grand chapeau avec des chemises à carreaux? C'est moi, la belle de l'Oyo. Qui c'est qui dans les rodéos fait retentir tous les bravos? C'est moi, la belle de l'Oyo. On m'aime mieux que Mae West, même mieux qu'Annie du Far West. Qui c'est que l'on a dans la peau et qui rend les cowboys dingos? C'est moi, la belle de l'Oyo. La belle de Cadix, pour faire ses conquêtes, la belle de Cadix avait ses castagnettes. La belle de New York, dans une autre opérette, la belle de New York faisait voir ses gambettes. Mais pour trouver des gigolos, moi j'ai un truc plus rigolo. Qui c'est qui porte un grand chapeau avec des chemises à carreaux? C'est moi, la belle de l'Oyo. Qui c'est qui part au grand galop et qui prend les hommes au lasso? C'est moi, la belle de l'Oyo. Tous ceux qui marchent de travers, moi je les dresse au revolver. Qui c'est qui fait un petit veau d'un malabar, d'un vrai taureau? C'est moi, la belle de l'Oyo. Hey ho, hey ho, je fais mettre à genoux les plus costauds de tout l'Oyo. Je veux quitter l'Arizona. se sent mal dans ce désert. Pour partir d'ici, je sais plus quoi faire. Entre les hommes et les chevaux, la poussière, chapeau. Et je suivrai le premier qui voudra bien m'emmener. Je partirai sans un mot pour lui, vers la ville et ses lumières, vers le paradis ou l'enfer. Ouais.